franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'est le nouvel ogre terroriste, Boko Haram, une secte musulmane nigériane à laquelle on attribue la responsabilité de 3000 morts depuis 2009 et de nombreux attentats contre des églises chrétiennes. Et c'est aussi Boko Haram qui a revendiqué le rapt d'une famille française au nord du Cameroun le 19 février dernier. Mais qui sont les membres de ce groupe terroriste? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Qui les finance? Leurs actions meurtrières sont-elles uniquement motivées par des raisons religieuses ou bien sont-elles l'expression d'une protestation sociale et politique? Et la brutalité de la répression militaire et policière n'a-t-elle pas poussé les activistes de ce mouvement à basculer dans le terrorisme? Enfin, question essentielle aujourd'hui, sont-ils partie prenante de cette nébuleuse djihadiste que la France et ses alliés africains combattent au nord du Mali? Bref, la très mystérieuse secte Boko Haram est-elle devenue un élément de l'arc du terrorisme qui, selon certains experts, irait de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la Corne de l'Afrique? Monsieur X tente de répondre à ces questions souvent controversées. Pour commencer sur cette appellation Boko Haram. Boko est un mot pidgin, issu de book. Oui, le livre, donc. Et le pidgin, il faut le rappeler, est une langue usuelle, hein, un mélange d'anglais, de langues autochtones, existant surtout dans les anciennes colonies britanniques. C'est ça. Quant à Aram, en arabe, ça signifie interdit. Livre interdit, donc. Et c'est une référence un peu simpliste à la doctrine de cette secte, qui proscrit l'enseignement occidental considéré comme impur. Ouais, la différence de l'enseignement du Coran, j'imagine. Et d'ailleurs, le nom officiel de Boko Haram est le peuple engagé dans la propagande de l'enseignement du prophète et du djihad. Un peu long, non ? Ouais. Je suis d'accord. Et c'est pourquoi nous ne parlerons que de Boko Haram. Alors, avant d'en venir à l'histoire de ce mouvement, quelques données indispensables. Le Nigeria, vous le savez, est le pays le plus peuplé du continent africain. Plus de 160 millions d'habitants. Oui, c'est aussi le plus important producteur de pétrole. Mais cette richesse énergétique génère bien des problèmes, car elle accentue les divisions du pays. Oui, le pétrole étant extrait au sud. Oui, le sud chrétien, tandis que le nord est généralement musulman. D'où un sentiment d'injustice, car il n'existe pas de réelle péréquation de la manne pétrolière. Ce que réclament les États du Nord. Bien sûr, car ce sont ces États qui sont les plus pauvres et les moins développés. Et cela dans un pays où 60% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Malgré l'abondance de la production pétrolière. Malheureusement, oui. Chez ce géant démographique et économique, les inégalités sont considérables. Et c'est encore plus flagrant dans l'État où est né Boko Haram, le Borno, où plus de 80% des jeunes sont illettrés. Oui, alors ce n'est peut-être pas un hasard si ce mouvement fondamentaliste y est apparu. Hein. Bien entendu. Ouais. Ajoutez l'ignorance à la misère et vous aurez un terreau fertile pour le développement des idées les plus obscurantistes. Et les plus fanatiques. Exactement. Ce nord du Nigeria, d'où est issu Boko Haram, est constitué de 19 États, dont 12 ont adopté la charia. Mais si j'ose dire, une charia en général plus souple que celle qui est en vigueur en Arabie Saoudite, même si cette règle religieuse importune quotidiennement les chrétiens qui vivent dans ces États. Encore un point, avant d'en venir à l'histoire même de Boko Haram. Le pouvoir confédéral nigérian doit aussi faire face à une autre rébellion armée. Oh, on en a parlé, c'est dans le delta du Niger, là où on exploite le pétrole. Hein. Oui, mais enfin, je n'y reviens pas. Boko Haram, ses racines, se trouvent dans d'autres mouvements islamistes qui ont existé dans les États nigérians du Nord-Est. Il y a d'abord les membres d'Izala, qu'on a appelé aussi les éradicateurs. C'est charmant, ça. Oui, il s'agit d'un courant salafiste né à la fin des années 70 qui prône un renouveau religieux accordant à l'islam un rôle plus politique. En ce sens, il s'oppose à l'islam traditionnel de la région. Un islam soufi, où l'on se regroupe en confréries qui organisent de nombreux pèlerinages et où l'on en appelle à l'intercession des saints. Mais est-ce que les salafistes n'acceptent pas hein? Ah bah ça, on l'a vu récemment à Tombouctou, où les salafistes s'en sont pris au mausolée des saints. En tout cas, Izala a gagné en popularité durant toute la décennie 80, mais il s'est ensuite affaibli, à cause de la mort de son leader d'abord. Et puis ensuite, parce qu'il a été mis en cause dans des affaires de corruption financière. Toutefois, un autre mouvement a pris le relais sous la houlette d'un jeune prêcheur venu du Nord Cameroun et se faisant appeler Marwa. Assez rapidement, il rassemble des disciples à Kano, la grande métropole du nord du pays. Avec quelles idées ? Marwa se présente comme un libérateur. Il refuse d'accepter la légitimité des autorités civiles et dénonce violemment l'influence occidentale. Il va jusqu'à interdire à ses disciples le port de montre. Mais enfin, plus sérieusement, il pousse le sous-prolétariat où il recrute ses adeptes à se révolter. Ça se traduit par des émeutes sanglantes dans les grandes villes du Nord. Mais le pouvoir qui est alors aux mains des militaires réagit avec une extrême violence. À Kano, on comptabilise 4000 morts, dont Marwa lui-même. C'est la fin de ce mouvement protestataire ? Oui, mais c'est dans ce contexte qu'apparaît l'homme qui va créer Boko Haram, Mohamed Youssouf. Et d'où vient-il, lui ? Youssouf est né au début 1970 dans l'État nigérian de Yobe, voisin de celui de Borno. Il a quitté l'école primaire au bout de 3 ans et n'a bien sûr jamais réussi à être admis à l'université. D'où sa rancune tenace vis-à-vis des savants et plus généralement des intellectuels. Cependant, s'il n'a pas suivi des études classiques, Il a quand même fréquenté les écoles coraniques du Tchad et du Niger, et c'est un prêcheur charismatique et virulent qui revient chez lui dans les années 90. Un meneur d'hommes hein. Incontestablement, car très vite il est écouté. Et que prône-t-il ? Youssouf réclame une application stricte de la loi islamique, conformément aux préceptes du prophète. Lui aussi rejette tous les symboles de la modernité, comme certains produits de l'industrie agroalimentaire. Le cube magie, par exemple, ou encore les berlingots de lait très utilisés sur tout le continent. Magie. Et sur le plan politique ? Youssouf refuse la participation aux élections et critique violemment les autorités fédérales d'Abuja. Où installe-t-il son QG ? À Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, c'est-à-dire à l'extrême nord-est du Nigeria, frontalier du Tchad et de la pointe nord du Cameroun. Et il officie dans la mosquée du mouvement Isala, qui appartient à un riche homme d'affaires qui a fait fortune dans le pétrole. Il n'a donc pas vraiment rompu avec les institutions islamiques. Hein. Pas encore, non, mais il va se faire virer de sa mosquée car il ne possède pas les diplômes requis par le cursus coranique saoudien. Et ça va précipiter sa radicalisation. Forcément. Alors, essayons de résumer sa pensée telle qu'il l'exprime dans ses prêches enflammées. Je vous l'ai dit, c'est d'abord l'Occident qui est en ligne de mire. À commencer par l'école, l'occidentale, accusée de détruire la culture islamique et qui, dans cette mesure, serait plus néfaste que les croisades. Ouais, c'est aussi une position anticolonialiste. Hein. C'est en effet une donnée importante. Sans surprise, Youssouf condamne aussi la mixité des sexes et le relâchement des mœurs. Oui. Rien de bien nouveau, par conséquent. Sauf quand il se prononce contre l'utilisation du calendrier grégorien et la pratique du sport. Comment, le sport ? Et pourquoi le sport ? Parce qu'il distrait de la religion. Enfin, c'est vrai, ce sont surtout les écoles publiques nigérianes, héritées du système colonial britannique, qu'il vitupère et dont il exige la fermeture. Ouais. Pour autant, Youssouf est-il totalement passéiste et conservateur ? Pas tout à fait. En parfaite contradiction avec ses attaques contre le modernisme, il admet les bienfaits d'innovations technologiques comme les avions, les voitures, les téléphones, les ordinateurs, Internet et le fax. Oui, d'abord parce qu'il les utilise, non ? C'est exactement ça. Non, ce qu'il récuse, c'est qu'on vénère les auteurs de telles inventions, car pour lui, c'est Dieu, créateur de toutes choses, qui les a inspirées. Mais c'est parfaitement hypocrite. Évidemment, mais Youssouf sera coutumier de ces contradictions. Ainsi, s'il s'en prend aux forces de sécurité, aux chefs traditionnels religieux et aux autres mouvements islamistes suspectés de collaborer avec les autorités, il n'hésitera pas à frayer avec un politicien qui monnayera ses services et son influence pour se faire élire gouverneur du Borno. J'imagine qu'il doit lui demander l'application de la charia dans son état. Oui, une application plus stricte en matière pénale, car elle est déjà en vigueur dans le domaine civil. Mais il faut remarquer qu'en cela, il reflète les aspirations d'une partie de la population que la fin de la dictature militaire a désillusionnée. Oui, parce que la transition démocratique de 1999 n'a pas répondu à son attente. En particulier dans la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Par conséquent, ces gens pensent que seule la charia pourra mettre fin à la corruption effrénée qui gangrène les institutions et le personnel politique. Mais concrètement, comment Youssouf et ses partisans passent à l'action ? Des partisans qu'on appelle souvent des talibans. Pourquoi, une référence à l'Afghanistan ? Oui, parce qu'il paraît que le relief de la région où ils opèrent ressemble beaucoup à celui de l'Afghanistan. Est-ce que ça veut dire alors que Boko Haram est passé à l'action violente ? Pas encore. En 2002, la date généralement retenue comme véritablement fondatrice du mouvement Boko Haram dans l'état du Yobe, voisin de Borno, quelques-uns de ses partisans parmi les plus extrémistes fondent une ferme collective, la Cité Céleste, comme ils l'appellent. Ouais, c'est un exemple de société collectiviste et islamiste. En effet, mais ça se passe assez mal. D'abord parce que ces fondamentalistes ne sont pas acceptés par la population locale qui les soupçonne d'avoir monté un camp d'entraînement. Mais surtout parce qu'à l'automne 2003, ils vont être attaqués par des milices au service du pouvoir local. Conséquence, à leur tour, après avoir mis la main sur des arsenaux, ces militants se vengent en mettant à sac des commissariats de police et des écoles primaires, ce qui leur vaut d'être expulsés de l'État. Alors, où vont-ils là ? Au Borno. Le fief de Youssouf. Mais l'important est que désormais, l'engrenage de la violence s'est enclenché. Et celle-ci ne cessera plus jamais, jusqu'à aujourd'hui. Thank you. L'universitaire Marc-Antoine Pérouse de Monclos est le spécialiste incontesté du Nigeria et donc de la secte Boko Haram. Dans une récente étude publiée par le CERI, il évoque la personnalité de Mohamed Youssouf. Et comme M. X, il souligne combien ses échecs scolaires ont été déterminants dans son parcours. Mohamed Youssouf a eu beau répliquer que le prophète n'avait pas eu besoin de titres universitaires pour fonder l'islam, il a gardé un souvenir cuisant de ses revers et a nourri une forte rancune à l'égard des savants en général, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. En témoigne son discours contre l'hérésie du darwinisme en biologie, de la théorie du Big Bang en sciences naturelles, de la révolution copernicienne en géographie, de l'existentialisme en philosophie ou du complexe d'Édipe dans la psychanalyse freudienne. Citant explicitement Lucien Lévi-Brull, Émile Durkheim et Karl Marx, Mohamed Youssouf a par exemple critiqué les professeurs de droit, de sociologie et de sciences politiques parce qu'ils remettaient en cause la primauté de la loi religieuse et de la famille traditionnelle. Il a également reproché aux géographes d'enseigner les planètes d'un système solaire qui ne correspondait pas aux sept paradis décrits par le Coran. Pourtant, malgré l'enchaînement quasi inévitable de la violence dans l'état de Borno, Mohamed Youssouf essaie assez discrètement d'entrer dans le jeu politique local. Ce qu'il a déjà fait là, en aidant ce gouverneur à se faire élire. En avril 2003, oui. Et ce politicien, un certain shérif, lui a promis une application plus stricte de la charia. Et il commence par nommer un membre de Boko Haram ministre des affaires religieuses de l'État. Ça, c'est une sorte d'officialisation de la secte. Oui, oui. Et la secte installée à Maïdoukouri, la capitale, dispose d'une mosquée et d'une école. Le charisme de Youssouf est dense et deux institutions attirent les jeunes désœuvrés des quartiers pauvres. Mais aussi les étudiants déclassés et les petits fonctionnaires paupérisés. Youssouf joue donc sur le ressentiment de ces populations qui se sentent abandonnées par les élites, le pouvoir central et les policiers fédéraux corrompus et brutaux. Et d'où vient l'argent ? Il y a d'abord les cotisations des fidèles de la mosquée. Mais bientôt, quand la secte devient très populaire, en 2003-2004, dans tout le nord-est du pays, Boko Haram commence à recevoir une aide financière du gouverneur du Borno. Qui achète les voix de ses membres en vue des futures élections. Exactement. Et ces fonds dispensés par les gouverneurs du nord-est continueront d'être versés jusqu'en 2007, voire 2009, alors que la secte aura depuis longtemps basculé dans le terrorisme. Quand la situation dégénère-t-elle et pourquoi ? Il y a d'abord le fait que les relations personnelles entre le gouverneur et Youssouf deviennent de plus en plus tendues. Et ensuite, il y a la violence. En octobre 2004, un groupe de Boko Haram se lance à l'attaque d'un convoi de 60 policiers à la frontière du Tchad. 12 agents y perdent la vie. Conséquence alors ? À Abuja, la capitale fédérale, les services secrets nigérians commencent à s'inquiéter. On le serait à moi, hein ? Oui, oui, mais à la même époque, le pouvoir fédéral est confronté à l'insurrection dans le delta du Niger, où des rebelles menacent la ressource pétrolière. Ouais. D'où un certain manque d'intérêt pour les événements du Nord. Ouais, c'est ça. Youssouf est néanmoins arrêté, mais il est rapidement relâché. En avril 2007, le président Oumarou, un nordiste, succède à Obasanjo. Et lors de la campagne électorale extrêmement violente des gouverneurs qui s'ensuit, le chef de Boko Haram fait encore preuve de l'ambiguïté de ses convictions en apportant son soutien au candidat de la majorité présidentielle. Mais manque de chance, c'est l'ancien ami de Youssouf, shérif, qui gagne. Et dès son élection, c'est la guerre avec Boko Haram. Ça signifie pour la secte l'entrée dans une quasi-clandestinité. Tandis qu'au niveau fédéral, les autorités semblent décidées à agir. Donc contre Boko Haram. Ouais. Et malgré le soutien alors que la secte a apporté indirectement au président Oumarou ? Oui, c'est la vérité. Tout au long de l'année 2008, la tension monte. Mais le pire est à venir. En juin de l'année suivante, alors qu'ils suivent l'enterrement de 4 militants morts dans un accident de la route, des fidèles de la secte sont interpellés par la police d'État, au motif qu'ils refusent de porter des casques de moto pour des raisons religieuses. Il y a rébellion, bagarre, les policiers tirent dans le tas, on relève 15 morts. La brutalité de la police est inouïe. Et ça se traduit par des échauffourées qui durent une partie de la nuit. Naturellement, Youssouf annonce sur Internet qu'il se vengera. Le 26 juillet, Boko Haram lance une vaste offensive dans 4 États du Nord. Des banques, des commissariats sont attaqués. Mais la police fédérale réplique avec sa brutalité habituelle. On retrouvera dans une fosse commune 700 à 800 dépouilles. Et parmi elles, le corps de Youssouf. Comment a-t-il été tué ? Oh, il a été abattu de sang-froid avec 2 de ses commandants alors que les 3 hommes se trouvaient en garde à vue. C'est un assassinat, donc ? Oui. Pour les siens, Mohamed Youssouf a donc péri en martyr. Et les autorités ont beau clamer qu'elles ont anéanti Boko Haram, ses combattants se sont repliés dans les pays voisins et sont bien décidés à continuer le combat de leur chef, en usant d'une violence toujours plus grande. Ouais, donc la réaction brutale du pouvoir nigérian a donc été contre-productive. Oui, parce qu'elle provoque la radicalisation de Boko Haram, mais aussi son internationalisation. Ouais, à cause de l'exil des fidèles de la secte. Un exil provisoire, mais qui aura des conséquences préoccupantes. En fuite, les membres de la secte sont pris en charge par la mouvance djihadiste internationale. Certains obtiennent même des bourses d'études délivrées par des pays arabes. Et quand ils reviennent clandestinement au Nigeria, dès 2010, ces cadres sont plus que jamais décidés à attaquer l'État fédéral et ses structures. On va s'en rendre compte assez rapidement. Aussi, dans un premier temps, les autorités locales essaient de composer. C'est-à-dire ? Ils achètent la paix. Quoi, en accordant des subsides à Boko Haram ? En effet, mais ça ne peut pas durer très longtemps. Oui, parce que le pouvoir fédéral s'y oppose. Et qu'un véritable climat insurrectionnel gagne peu à peu les États du Nord et de l'Est. Les actions menées par Boko Haram sont de plus en plus spectaculaires. À la fin 2010, ces combattants donnent l'assaut à une prison et libèrent plusieurs centaines de prisonniers, dont de nombreux membres de la secte. Et même la capitale Abuja n'est pas à l'abri. Ouais. Par exemple ? En août 2011, une bombe explose au siège de la représentation des Nations Unies. 24 personnes sont tuées. Désormais, la lutte est implacable entre les clandestins de Boko Haram et les forces de sécurité, qui vont être regroupées au sein d'une véritable troupe de combat, la Joint Task Force. On assiste donc à un vrai carnage. Aux attentats, à la voiture piégée, aux attaques de commissariat. La police et l'armée nigériennes ripostent en exécutant des suspects ou des parents de membres supposés de la secte. Mais innocents, donc. Et cette férocité est d'autant plus grande que, la plupart du temps, les soldats sont issus du sud chrétien. Ouais, qu'ils ne prennent pas de gants avec les musulmans. Justement, est-ce qu'on peut parler alors de guerre religieuse ? Je vous réponds dans un instant. Auparavant, et sans vouloir disculper Boko Haram, faut bien observer que toutes les victimes sont mises au compte de la secte. Ah oui, c'est-à-dire même celles qui sont tuées par les forces de sécurité. Oui, et ce manque de discernement des forces de l'ordre, pour parler poliment, alimente les rangs de la secte en jeunes hommes issus des quartiers pauvres des villes. Alors, pour poser la question sur la religion, jusque-là, Boko Haram s'attaquait principalement à la police et aux autres mouvements musulmans accusés d'être trop tièdes. Mais dorénavant, elle va s'en prendre aux chrétiens. Oui, c'est-à-dire les attentats contre les églises. Au cours du deuxième semestre 2011, on estime que Boko Haram aurait tué un demi-millier de fidèles. Des assassinats que la secte n'hésite pas à revendiquer au nom de sa lutte pour l'application intégrale de la charia dans tout le pays et la fin d'un régime laïque. Ouais, ce qui est inenvisageable pour les chrétiens du Sud. Bien entendu. Ouais. Par rapport au combat que conduisait Youssouf avant son assassinat, là, il y a donc une nette accélération. Et même un changement de stratégie. Ce que cherche maintenant Boko Haram, c'est de créer une situation de violence extrême, en exacerbant les affrontements religieux. Oui, mais avec quel objectif ? Les responsables de la secte doivent estimer qu'en obligeant les autorités à user d'une répression toujours plus brutale, et même en poussant les chrétiens à se livrer à des actions de représailles, Boko Haram apparaîtra comme le seul leader des masses musulmanes du pays. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Qui a succédé à Mohamed Youssouf à la tête de Boko Haram ? C'est un homme de 34 ans, un imam autoproclamé Aboubakar Shaiko. Un homme dont on connaît peu de choses. Esquisse de portrait par l'envoyé spécial du Point au Nigeria. Il est l'homme le plus recherché du Nigeria. Un des plus mal connus aussi. Sur les rares vidéos où Aboubakar Shaiko, chef de Boko Haram, consent à se montrer, Il pose comme un nouveau Ben Laden, jeune, noir de peau, le visage replet, une courte barbe noire. L'homme dissimule ses cheveux sous un keffieh, porte le camis blanc des salafistes recouvert d'un gilet pare-balles et garde l'AK-47 à portée de main. Fondamentaliste radical pour les uns, brigand, opportuniste et violent pour les autres, mais invisible pour tous depuis 2009, tel est l'homme dont le mouvement a revendiqué le 25 février le rapt de la famille Moulin-Fournier. Autre observation de ceux qui ont pu l'approcher. Le dévot Cheikho ne possède pas le charisme de Youssouf, son prédécesseur, et surtout, il va se révéler incapable de préserver l'unité de ses troupes, ce que constate tout de suite Monsieur X. Assez récemment, Boko Haram a vécu une scission en trois branches. Alors, voyons ça de plus près. Il y a d'abord un groupe de militants que l'on pourrait appeler les colombes. Oui, par opposition aux faucons. Oui, c'est une branche qui a toujours été disposée à négocier avec le pouvoir fédéral. Mais, semble-t-il, le gouvernement n'a pas saisi cette main qu'on lui tendait. Pourtant, en septembre 2011, l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, a esquissé une négociation avec le neveu de Mohamed Youssouf, principal représentant de ces colombes. Mais les pourparlers à peine entamés ont été interrompus par l'assassinat de ce dernier par les faucons de la secte qui lui ont reproché d'avoir accepté des compensations financières pour les familles des victimes de la répression policière. Oui. Deuxième manche. Bon, c'est ce qu'on pourrait nommer le Boko Haram canal historique, celui de l'imam Abou Bakar, Cheikho. Manifestement, il n'a ni les épaules ni l'éloquence de Youssouf. Et surtout, il reste surtout préoccupé par les problèmes intérieurs nigérians. Pas de vision internationale. Et donc aucune volonté de s'insérer dans la mouvance djihadiste. Et pourtant, c'est Cheikho là, qui va être à l'origine de l'enlèvement d'une famille française au Nord Cameroun. Oui, mais enfin, si vous voulez, on en reparlera. La troisième branche, la plus radicale, est apparue en janvier 2012. Son appellation officielle est l'avant-garde pour la protection des musulmans en Afrique noire. Mais elle est plus connue aujourd'hui sous le nom d'Ansarou, car son leader se fait appeler Abu Ousmatoul al-Ansari. Ouais. Et sa caractéristique, alors ? Cette branche s'affirme clairement djihadiste. Autre particularité, Ansarou se réclame du califat historique de Sokoto et de son fondateur, Ousmane Dan Fodio, un roi peul. Et conformément à l'appellation qu'il a choisie, le groupe annonce qu'il défendra les intérêts de l'islam et des musulmans, non seulement au Nigeria, mais dans toute l'Afrique. Oui, un combat international, donc. Et nous y reviendrons, car Ansarou a peut-être joué un rôle au Mali. Autre chose, le nouveau groupe accuse Boko Haram, canal historique, de s'attaquer à des musulmans et parallèlement d'être trop tiède vis-à-vis des Occidentaux. Enfin, il promet de ne pas tuer d'innocents et même de membres des services de sécurité, sauf en cas de légitime défense. Oui, ils sont bien gentils. Concrètement, là, quelles actions ont été revendiquées par Ansarou ? Depuis son apparition, le groupe a reconnu sa responsabilité dans un certain nombre d'attaques, dont celle d'une prison au siège de l'escadron spécial anti-délinquance d'Abuja en novembre 2012. Et en décembre, c'est Ansarou qui a enlevé un Français spécialiste des énergies renouvelables qui séjournait alors dans l'état nordiste du Katsina, un état frontalier du Niger. Je dois ajouter qu'il existe à côté de ces trois branches des groupuscules dissidents. Rivaux ? Difficile à dire, tant ces mouvements sont impénétrables. L'un, au moins, dirigé par l'ancien numéro 3 de Boko Haram, est soupçonné d'avoir établi des relations avec les Chebabs somaliens et Al-Qaïda. Mais ce que redoutent surtout les autorités nigériennes, c'est que cette implosion de la secte entraîne la formation de cellules très mobiles et susceptibles d'étendre la rébellion au sud du pays. Et surtout, dans le delta pétrolier, ce qui risquerait de provoquer un véritable embrasement du Nigeria. Alors même que c'est les menées insurrectionnelles au nord n'ont guère cessé. Hein. Effectivement. Quelques exemples. Après la terrible explosion au siège de l'ONU, le jour de Noël 2011, un triple attentat est perpétré contre des chrétiens sortant de la messe, dont un dans la ville de Damaturu, dans l'état de Yobe. Une agglomération où faisait rage depuis plusieurs jours des combats de rue entre insurgés islamistes et forces gouvernementales qui avaient bouclé des quartiers entiers pour y déployer des blindés. Mais le mois précédent, Damaturu avait déjà connu une série d'attaques meurtrières de Boko Haram contre des églises, des postes de police et même des fidèles sortant des mosquées. 150 morts au total. Et ça continue en 2012. Oui, au début de l'année, le nouveau président, Goodluck Jonathan, décrète l'état d'urgence dans le nord du pays et envoie ses forces spéciales pour y rétablir l'ordre. Et il en profite pour augmenter considérablement le budget des forces de l'ordre. Ce qui fera dire à de nombreux Nigérians que l'augmentation de la violence résulte en réalité d'une manœuvre des policiers. Oui, qui espèrent ainsi engranger encore plus d'argent. L'argent de la corruption, oui. Ce qui conduira le président à limoger, en cours d'année, son conseiller à la sécurité nationale, qui sera désormais un homme issu du Nord. Alors, la suite de cette épouvantable litanie de tuerie. Fin avril, lors d'une cérémonie chrétienne à l'université de Kano, une explosion provoque la mort d'une vingtaine de personnes. Puis, trois jours plus tard, ce sont les locaux d'un quotidien qui sont détruits. Et début juin, un attentat suicide fait 15 morts. Face à toutes ces exactions-là, est-ce que le pouvoir marque des points ? Pas vraiment. En juin, le chef de la police nigériane se vante un peu imprudemment de pouvoir réussir à liquider la secte en moins de 15 jours. Mais quelques heures après cette déclaration, une bombe explose devant le QG de la police à Abuja et provoque 2 morts. Et peu de jours plus tard, à la mi-juin, 3 attentats kamikazes sont perpétrés contre des églises du Nord. On dénombre plus de 50 morts. Ouais, les autorités sont donc impuissantes. Et ce qui est plus grave, elles continuent à tuer à l'aveuglette. Fin octobre, 30 jeunes gens sont tués à Maïdougouri. Le lendemain, on compte encore 40 autres victimes tuées par cette force spéciale, la Joint Task Force, nigériane bien sûr. Le résultat, c'est que les populations civiles du Nord sont prises entre deux feux. Ouais, c'est-à-dire entre les exactions des forces nigérianes qui vont crescendo et celles des terroristes de Boko Haram. Oui, elles ne savent plus qui il faut craindre le plus. Pourtant, en novembre 2012, on croit voir une éclaircie. Un certain Cheikh Abu Mohamed Ibn Abdulaziz, qui affirme s'exprimer au nom de Cheikho, le chef de Boko Haram, propose une médiation. Mais le pouvoir fédéral refuse, au prétexte que les terroristes doivent d'abord s'identifier avant tout début de dialogue. Une occasion ratée ? Peut-être, à moins que cette initiative n'ait été prise par la branche des colombes de Boko Haram, en nette perte de vitesse depuis 2009. Ouais, donc de toute façon, ça n'aurait pas abouti. On peut le penser. En tout cas, les activités de Boko Haram commencent à inquiéter sérieusement le pouvoir, à tel point que le président Jonathan en vient à solliciter l'aide de Washington. Pour venir à bout de Boko Haram ? Oui, et en même temps, des primes considérables sont offertes en échange d'informations sur les principaux dirigeants de la secte. Et la réponse des Américains ? Note ponctuelle, oui, et des conseils. Mais Washington n'a nulle envie de s'engager au Nigeria, sauf bien sûr si le terrorisme de Boko Haram menaçait la ressource pétrolière. Ah oui, quand même. Quoi qu'il en soit, même si à la fin de l'année 2012, le président nigérian affirmait qu'une série d'attaques avait été déjouée à Noël, ça n'a pas dissuadé la secte de continuer à agir, essentiellement en Tsarou. C'est-à-dire la dissidence la plus active. Oui, car à la même période, elle a peut-être aussi commis des attentats au nord du Tchad. Mais le gouvernement d'Idriss Déby n'a pas voulu communiquer sur le sujet. En 2013, en Tsarou, toujours, s'en est pris à des militaires nigérians qui se préparaient à partir pour le Mali. Puis ce sont des travailleurs humanitaires qui sont tombés sous les balles des tueurs. Enfin, le 18 février, 7 étrangers, 2 Libanais, 2 Syriens, un Grec, un Italien et un Britannique, travaillant pour une société libanaise de construction, sont enlevés sur un chantier. Ouais, c'est la plus importante prise d'otage jamais réalisée dans le nord du pays. Et c'est encore Ansarou qui est à la manœuvre, et vous le savez, au début mars, l'organisation terroriste revendiquera l'exécution de ces malheureux. Aussi quand, le 19 février, on apprend que toute une famille française, des expatriés en vacances, a été enlevée au nord du Cameroun et sans doute emmenée aussitôt au Nigeria. On pense à une nouvelle action criminelle dans Tsarou. Ouais, c'était en effet vraisemblable et guère rassurant. Là, vous avez raison. Mais 6 jours plus tard, c'est Boko Haram qui revendique ce rapt où, pour la première fois, des enfants sont otages. Dans une vidéo, hein ? Ah oui, tout à fait, à la manière d'Al-Qaïda. La similitude est frappante. Oui, oui, les otages ont été exhibés devant un drapeau noir marqué d'une sourate du Coran et 2 kalachnikovs entourant le livre saint. Autre information assez troublante. Le représentant des ravisseurs s'exprime en arabe, et non pas en haoussa, comme dans les précédentes communications de Boko Haram. Et les spécialistes de la région ont même noté l'utilisation d'expressions en arabe tchadien. Ouais. Et ça, ça renforce la thèse de tous les experts qui pensent que Boko Haram a rejoint la mouvance djihadiste. Comme Ansarou, qui, je vous le rappelle, s'est attaqué à des militaires nigérians en partance pour le Mali. Alors que la France venait de s'engager justement dans ce pays contre les terroristes. D'où la conviction de ces experts. Boko Haram et sa rivale ou alliée Ansarou ont rejoint cet arc terroriste sahélien qui sème le trouble de la Mauritanie jusqu'aux côtes somaliennes. ACMI et Boko Haram, même combat ? Oui, c'est à peu près ça. Et votre avis, alors ? Ça me paraît un peu simplificateur. Même s'il est évident que ces mouvements terroristes et djihadistes sont des alliés naturels, car ils poursuivent les mêmes objectifs, c'est-à-dire le combat contre l'influence occidentale au nom de l'islam. Mais c'est oublier les nationalismes locaux au Mali. Les membres d'Ansar el-Din se battent d'abord pour les intérêts des Touaregs. Et s'ils ont noué des liens avec ACMI, c'est d'abord pour des raisons tactiques. De la même façon, les terroristes de Boko Haram sont d'abord des Nigérians. Et le Mali est bien loin du Nigeria. Ouais, d'accord, mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a des interconnexions entre ces organisations. Certainement. Mais Boko Haram, c'est un peu comme le modèle Al-Qaïda. Une nébuleuse qui peut accueillir ou même générer des satellites franchisés qui viennent, si j'ose dire, se ranger à l'occasion sous son parapluie et bénéficier de son aura médiatique. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pouvez obtenir des renseignements discographiques et bibliographiques. Cette émission a été préparée par Rebecca de Nantes, réalisée par Stéphane Combe et bien sûr mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash CO2 Mon amour de Denis Chessou.